Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace, podcast en partenariat avec le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Sylvain Chatty, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Le ciel est un endroit qui nous paraît relativement tranquille, mais en fait, il ne l'est pas nécessairement et c'est ce qu'on va voir avec vous. Alors, je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 7 et que vous êtes astrophysicien au Commissariat à l'énergie atomique. Et vous vous intéressez dans le ciel à des objets un petit peu bizarres pour nous. D'abord, on peut dire que ce sont des binaires. Alors, la première observation qu'on peut faire, c'est de se dire, quand on regarde le ciel, un, il est calme, deux, les étoiles sont toutes seules. Alors, les étoiles sont toutes seules, c'est pas vrai. Eh bien, c'est la plupart du temps. La plupart du temps, en fait, les étoiles vivent en couple. Là, à peu près deux tiers des étoiles vivent en couple. Donc en fait, la plupart du temps, ce qu'on voit dans le ciel, ce sont des systèmes, ce qu'on appelle binaires, c'est-à-dire des systèmes doubles de deux étoiles qui vivent leur vie normale, qui tournent l'une autour de l'autre, et elles vivent leur vie tout à fait normalement, c'est-à-dire qu'elles n'interagissent pas l'une avec l'autre, elles sont tranquilles tout au long de leur vie. Elles se contentent de tourner l'une autour de l'autre, en fait, avec un barycentre commun. Exactement, voilà. Elles ont, en fonction de leur masse, en fonction de leur distance, elles vont tourner à une certaine distance, l'une autour de l'autre, en un temps plus ou moins long, un peu comme les planètes tournent autour du Soleil. Alors, celle-ci ne vous intéresse pas particulièrement. Ce qui va vous intéresser, c'est des systèmes qui sont quand même particuliers. C'est des systèmes doubles avec l'un des compagnons, on va dire cela comme ça, qui a une originalité. Qu'est-ce qu'il peut être ? Voilà, alors moi, les systèmes qui ne m'intéressent pas, c'est ce qu'on appelle en fait les étoiles doubles. Ça, je ne les étudie pas. Les systèmes que j'étudie, ce sont des systèmes qu'on appelle binaires, dont l'un des composants est une étoile qui a déjà vécu et qui est en fait ce qu'on appelle une étoile morte. Et on appelle ça, en astrophysique, un objet compact. Mmh. Donc, on peut avoir différents types de systèmes binaires. On peut avoir des systèmes binaires contenant ce qu'on appelle une naine blanche, une étoile à neutrons ou un trou noir. Donc ça, ce sont les trois types d'objets compacts que l'on peut trouver dans le ciel. On appelle systèmes binaires de haute énergie ceux qui contiennent soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. Et en fait, quand je vais dans cet ordre-là de naine blanche, étoile à neutrons, à trou noir, je vais vers des objets qui sont de plus en plus compacts. En gros, pour faire une naine blanche, il faut prendre une étoile, comme le Soleil à peu près, hein, et la condenser pour la mettre dans le volume de la Terre. Donc là, vous faites une naine blanche, qui est déjà un objet très compact. En gros, si vous prenez une cuillère à café de cet objet-là, c'est déjà une tonne qui est dans votre cuillère à café. Donc vous aurez du mal à soulever cette cuillère à café de naine blanche. Ça, c'est le destin du Soleil, par exemple. Exactement. Le Soleil, dans 5-6 milliards d'années, finira en naine blanche. C'est-à-dire une fois qu'il n'aura plus de carburant en son cœur, une fois qu'il n'aura plus de carbone, il va se concentrer, se condenser complètement, et il va former ce qu'on appelle une naine blanche. À ce moment-là, il va se refroidir petit à petit, et au bout de plusieurs milliards d'années, il va former ce qu'on appelle une naine noire. Donc la naine blanche devient naine noire. Alors moi, j'aime beaucoup dire qu'il n'y a pas de racisme en astronomie, puisque les naines peuvent passer d'une couleur à l'autre. Ça, c'est le destin du Soleil. C'est une stèle funéraire, hein, quand même. Ce qui reste en finale, c'est ici résider une étoile, elle est morte, et voilà ce qui reste. Exactement, et ce qui est intéressant, c'est qu'on la voit, on continue à la voir pendant très longtemps, puisqu'elle va continuer à émettre un rayonnement, parce que la surface de la naine blanche, elle continue à avoir une certaine température, qui est assez importante. Alors évidemment, il n'y a plus de réaction thermonucléaire au cœur de la naine blanche, donc elle ne va pas chauffer de plus en plus. Elle va se refroidir, mais comme elle est partie d'un point où elle était très très chaude, eh bien, elle va mettre un temps très très long pour se refroidir. Donc on va la voir pendant plusieurs milliards d'années, la naine blanche au milieu, et autour on va avoir ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire, c'est-à-dire tous les résidus de l'enveloppe ou de l'atmosphère de l'étoile qui auront été éjectés lors de l'implosion finale de l'étoile, lorsqu'elle n'a plus assez de carburant pour maintenir toute sa masse autour d'elle. Alors, deuxième type d'objet compact, l'étoile à neutrons. Qu'est-ce qu'une étoile à neutrons ? Alors, une étoile à neutrons, c'est le résidu d'une étoile beaucoup plus massif que le Soleil. Quand je dis beaucoup plus massif, ça veut dire que ça peut être une étoile, on ne sait pas trop en fait quelles sont les limites, mais ça peut être entre 3 et plus 10 fois ou même plus 10 fois la masse du Soleil. On ne connaît pas très bien les limites, il y a des problèmes sur la simulation, comment on peut former une étoile à neutrons. Mais alors ce qui se passe là, c'est que lorsque donc là, il n'y a plus assez de carburant au cœur de l'étoile pour maintenir les forces de gravité, l'étoile va s'effondrer sur elle-même, en fait son cœur va s'effondrer et former l'étoile à neutrons. Le reste, tout ce qui est autour, ça va être éjecté, former ce qu'on appelle un rémanent de supernova. Et d'ailleurs, l'explosion qui se produit au moment de la transformation de l'étoile en étoile à neutrons s'appelle une supernova, en fait. C'est une étoile, à ce moment-là, qui devient beaucoup plus brillante pendant quelques mois. C'est violent, hein, c'est violent. C'est très, très violent. Ça se passe en quelques secondes, en fait, cette explosion-là. C'est très, très violent. Mais par contre, on va continuer à la voir très brillante pendant plusieurs mois. Alors, le troisième type d'objet compact, c'est le trou noir. Alors, le trou noir, bien mystérieux par essence, puisque, par définition, on ne le voit pas. Oui, alors ça, c'est pour des étoiles qui sont encore plus massives. Alors, pour bien comprendre comment on arrive à former un trou noir, il faut peut-être revenir sur comment on peut faire pour créer d'abord une naine blanche, une étoile à neutrons et ensuite un trou noir. La naine blanche, en fait, c'est un résidu d'étoile qui va donc s'effondrer sur elle-même, mais qui va s'arrêter à un certain point, au point en fait où les électrons vont se repousser avec d'autres électrons. Alors c'est un principe de mécanique quantique, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais en gros les électrons sont des fermions, ils n'aiment pas être trop collés les uns aux autres, donc ils vont se repousser. Et donc à un moment donné, lorsque les électrons sont trop proches les uns des autres, la contraction va s'arrêter, et là on forme une naine blanche. Dans le cas de l'étoile à neutrons, comme la masse de l'étoile est plus grande, on va passer au-delà de cette barrière quantique, qui est en fait ce qu'on appelle le principe de Pauli. Et à ce moment-là, ce ne sont plus les électrons qui vont se repousser, les électrons vont rentrer dans les protons, ça va former des neutrons, et ce sont les neutrons qui vont se repousser les uns les autres. Donc là, on forme une étoile à neutrons. Et cette étoile à neutrons-là, elle est beaucoup plus dense que la naine blanche. Il faut s'imaginer que vous mettez à peu près 3 fois la masse du Soleil dans un rayon, en gros, d'une dizaine de kilomètres. Alors évidemment, ça fait quelque chose de très très compact. Là, votre cuillère à café étoile à neutrons, elle va peser à peu près 1 milliard de tonnes. Donc ça commence à être assez lourd. Vous pouvez imaginer aussi que le champ gravitationnel à la surface de l'étoile à neutrons, il est énorme. Il est en gros 300 000 fois le champ que vous avez sur la Terre. Alors pour ceux qui ont fait un petit peu d'aviation et qui se sont pris déjà quelques G, je pense qu'ils peuvent se rendre compte de ce que ça représente. 300 000 fois le champ gravitationnel terrestre, ça veut dire que si vous vous trouvez à la surface d'une étoile à neutrons, votre corps en fait plusieurs fois le tour, vous êtes complètement aplati en fait. Donc ça doit être assez désagréable. Donc ça c'est l'étoile à neutrons. Si vous prenez une étoile encore plus massive que celle qui a donné naissance à une étoile à neutrons, prenez une étoile qui fait 10, même 15, on pense même que ça peut aller jusqu'à 40 fois la masse du Soleil, vous allez former ce qu'on appelle un trou noir. Et alors là, il n'y a plus aucun principe de Pauli qui va s'appliquer pour repousser les particules les unes des autres. L'étoile va complètement s'effondrer sur elle-même, elle forme un trou noir. Mais alors là, c'est assez difficile à décrire puisque à la fois la physique quantique et la relativité générale n'arrivent pas à décrire ce qui se passe à l'intérieur du trou noir. Donc on n'a pas vraiment de théorie qui permette de dire ce qui se passe à l'intérieur. On sait qu'a priori, c'est sûrement une soupe de quarks qui se trouve à l'intérieur dans un endroit presque, enfin très très petit, presque ponctuel. Et le tout est entouré de ce qu'on appelle un horizon, l'horizon des événements. Et alors, tout ce qui est rentré dans le trou noir ne peut pas s'en échapper. Ce qui veut dire que même toute la matière, évidemment, mais même la lumière ne peut pas s'en échapper. Et donc, si vous rentrez dedans, vous ne pouvez pas en sortir. Si la lumière rentre dedans, elle ne peut pas en sortir. On l'appelle noir. Alors, par contre, ce n'est pas un trou, puisque c'est pas quelque chose dans lequel on peut verser un élément et qui va disparaître. C'est pas un trou, c'est plutôt une masse. Je pense qu'il faudrait même plutôt l'appeler masse noire, parce que c'est vraiment une masse, et si vous mettez plus de matériel dedans, et bien cette masse là va grossir, et il n'y a pas de limite en fait à son grossissement. Elle peut vraiment grossir énormément. Si vous mettez deux trous noirs l'un dans l'autre, ça va faire un énorme trou noir qui va faire la somme de la masse des deux premiers. Donc c'est vraiment une masse, un réservoir dans lequel vous pouvez accumuler de la matière. Alors, on revient à l'échelle du système. Qu'est-ce qui fait que, finalement, on trouve un système avec un objet compact et une étoile normale? Est-ce qu'ils se sont formés en même temps ou est-ce un accident, une rencontre? Alors, les systèmes donc binaires, donc de haute énergie, puisqu'on les appelle comme ça, ils sont formés donc d'un astre compact, naine blanche, étoile à neutrons ou trou noir, et d'une étoile. Étoile qu'on appelle étoile compagnon. Alors, il y a deux possibilités pour former ces objets-là. Soit vous avez un système binaire, donc un système d'étoiles doubles, en fait, qui se sont formées au même moment, mais une étoile était plus massive que l'autre. Et comme les étoiles plus massives vont mourir en premier, eh bien l'étoile qui était plus massive, elle est devenue astre compact avant l'autre, et il va se passer les phénomènes qu'on va décrire maintenant. L'autre possibilité, c'est que vous ayez quelque part dans l'espace une étoile qui soit morte, parce qu'elle était très massive, et comme elle se promène dans l'espace, elle rencontre une étoile qui n'est pas encore morte, et toutes les deux, par effet gravitationnel, vont se mettent à tourner l'une autour de l'autre. En fait, l'une va être happée par l'autre parce que sa masse est plus grande. Et à ce moment-là, donc, on fait de nouveau, on forme à ce moment-là un système binaire. Alors, que se passe-t-il dans ce couple? Qu'est-ce que vous étudiez et comment interagit l'astre le plus compact avec l'étoile compagnon? Alors, dans certaines conditions, en fait, qui sont liées à la géométrie du système, à la masse des objets et à leur distance, il se peut que de la matière de l'étoile compagnon, donc l'étoile qui est encore en vie, qui est normale, soit attirée par l'objet compact, et cette matière-là va se mettre à s'approcher de l'objet compact. Elle ne peut pas tomber directement sur l'astre compact parce qu'elle a ce qu'on appelle du moment angulaire. En gros, elle a envie de tourner, cette matière-là. Donc elle va former ce qu'on appelle un disque d'accrétion, un disque de matière autour de l'objet compact. Et comme elle forme ce disque d'accrétion, cette matière-là, dans le disque, va se mettre à être chauffée à des températures de plus en plus grandes, à cause principalement de ce qu'on appelle le frottement visqueux, c'est-à-dire que la matière va se frotter à la matière qui est à côté, et ça va chauffer à des températures de plusieurs dizaines de millions de degrés, donc c'est vraiment très très chaud. Et petit à petit, la matière donc, va spiraler, va se rapprocher de l'objet compact, et à un moment donné, va tomber dessus. Donc si ça tombe sur une naine blanche, sur une étoile à neutrons, bon ben ça tombe sur la surface, et si ça tombe sur le trou noir, là ça tombe dans le trou noir, en fait. Ça passe l'horizon des événements et ça tombe vraiment dans le trou noir. On parle vraiment de surface hein, en ce qui concerne l'étoile à neutrons et la naine blanche. Ah, tout à fait. On a vraiment quelque chose de physique. Ah oui, c'est un corps matériel qu'on pourrait toucher, ce que je ne conseille pas en tout cas pour une étoile à neutrons, mais on pourrait y aller et toucher la surface. Alors, qu'est-ce qui se passe quand cette matière, donc ce disque de matière, qui je présume est plutôt de l'hydrogène, c'est du gaz. Hein, c'est du gaz qui provient de l'étoile, donc c'est principalement l'hydrogène en fait. Alors, ça se met à spiraler, il y a des instabilités, tombe sur l'étoile, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quel est le phénomène? Quels sont les phénomènes qui sont observables? Alors, il y a beaucoup de phénomènes qui sont observables, parce que la matière qui est en train de tomber dans le disque d'accrétion, elle va donc tomber sur la surface de l'étoile, naine blanche ou étoile à neutrons, elle va s'accumuler. Et il y a des cas où la masse qui est accumulée est tellement importante que la naine blanche peut se transformer en étoile à neutrons. Donc la naine blanche acquiert tellement de masse qu'elle en a assez pour se contracter encore, c'est-à-dire pour vaincre ce principe de Pauli qui voulait que les électrons ne se rapprochent pas trop, et à ce moment-là, elle pourrait se transformer en étoile à neutrons. Elle pique suffisamment de masse à sa compagne pour grossir encore, même dans sa mort. Tout à fait, exactement. En gros, les astres compacts, donc les étoiles qui sont mortes, je dis souvent qu'elles peuvent se réincarner parce que d'abord leur vie n'est pas terminée parce qu'il se passe plein de phénomènes qu'on ne voyait pas auparavant et donc c'est comme une deuxième vie pour elles. Et en plus, elles peuvent se retransformer, évidemment pas en étoile normale qui va faire de la fusion thermonucléaire en son cœur, mais en d'autres objets compacts en fait. Et je présume aussi que le comportement de l'étoile compagnon vous donne des informations sur la nature du corps massif, sa masse, son comportement, tout ça, vous le savez à ce moment-là. Alors tout à fait, en fait, c'est même principalement grâce à l'étoile compagnon qu'on peut déterminer la masse de l'objet compact. Par exemple, si on voit qu'il y a une étoile qui a un comportement bizarre, on voit qu'il y a des raies qui se déplacent, donc des raies qui proviennent de la surface de l'étoile, des raies d'émission ou d'absorption, qui prennent la surface de l'étoile et qui vont se déplacer par effet Doppler et qu'on ne comprend pas Pourquoi ? Eh bien, souvent, ça peut être dû à la présence d'un objet compact qui se trouve à côté. Et à ce moment-là, eh bien, l'étoile compagnon, généralement, elle peut être moins massive ou plus massive qu'objet compact, hein, ça dépend, mais elle va tourner autour du barycentre commun, et donc ça veut dire qu'elle va avoir un déplacement qui peut se manifester sous la forme d'effet Doppler, hein, c'est-à-dire que son rayonnement va se voir attribuer une fréquence qui va augmenter ou diminuer en fonction de si elle s'approche ou si elle s'éloigne. Ça peut être deux astres très proches l'un de l'autre. Ah, ça peut être très très proche. Par rapport au système solaire, je ne sais pas, par exemple. Tout à fait. On a la période orbitale qu'on a détectée être la plus courte sur un tel système, c'est 1h30. Ce qui veut dire que si on compare avec la planète Mercure qui tourne autour du Soleil en un mois à peu près, ça veut dire qu'on a un système qui est bien plus proche que la distance Soleil-Mercure. Donc on a vraiment des systèmes où l'étoile est à quelques... Enfin, on va plutôt dire... C'est mieux de dire dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'objet compact est à quelques rayons de l'étoile. Ça peut conduire l'objet compact à déchiqueter totalement l'étoile, à la détruire, ou ça reste finalement une façon de siphonner, pardonnez-moi l'expression, mais la matière de l'étoile compagnon. Tout à fait, et c'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'il y a des phases dans la vie d'un système binaire qu'on appelle des phases d'enveloppe commune, où dans ce cas-là, la matière qui provient de l'atmosphère de l'étoile va englober l'ensemble du système. Et donc l'objet compact, étoile à neutrons, trou noir, va se retrouver à l'intérieur de l'étoile. Et alors là, il peut se passer deux choses. Soit c'est tellement instable que toute cette enveloppe va partir, elle va être en gros détruite, elle va partir dans l'espace. Et à ce moment-là, on se retrouve avec le cœur d'une étoile qui était auparavant massive et un objet compact. Et c'est ce qu'on appelle en fait des étoiles Wolf-Rayette, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on voit un cœur d'une étoile, mais on peut voir que cette étoile auparavant était très massive. C'est-à-dire qu'elle a formé des éléments qu'elle n'aurait pas dû former avec le peu de masse qu'elle a par la suite. L'autre possibilité, c'est que l'objet compact qui se trouve à l'intérieur de cette enveloppe-là va s'approcher de plus en plus et très très vite du cœur de l'étoile, principalement par effet de friction dans l'enveloppe, hein. Et à ce moment-là, l'objet compact va se nicher à l'intérieur du cœur de l'étoile. Se nicher, mais pas fusionner, enfin, c'est-à-dire que l'objet compact, il va rapidement, donc il spirale, et rapidement il va spiraler autour du centre, mais de plus en plus près du centre. Ouais. Et donc il se trouve à l'intérieur, l'objet compact, mais il ne peut pas fusionner parce que la matière de l'étoile, elle est très différente de l'étoile à neutrons ou de l'objet compact, donc ils ne peuvent pas fusionner. Jusqu'à un certain point, à un moment donné, quand l'étoile compagnon, qui a en son cœur cet objet compact, quand cette étoile compagnon, elle va mourir, à ce moment-là, forcément, elle va fusionner avec ce qui se trouve à l'intérieur. Comment sait-on tout cela ? Alors ça, c'est principalement les modèles d'évolution stellaire qui nous disent que ça doit se produire. Ces objets-là, qu'on appelle des objets Thorne-Zitkov, n'ont jamais été découverts, observationnellement. C'est-à-dire qu'on sait qu'il doit y en avoir, on n'en a jamais vu. Par contre, des étoiles, des systèmes binaires où il y a des objets compacts qui sont à l'intérieur de l'enveloppe, ça on en a déjà vu. On les appelle des étoiles symbiotiques en fait, donc elles vivent en symbiose. Donc ça, on a des signatures d'objets compacts qui se trouvent à l'intérieur de ces enveloppes-là. Alors les signatures observationnelles, c'est principalement qu'on va voir des rayonnements très énergétiques qui sont dus à la matière qui est accrétée par l'objet compact, c'est-à-dire la matière de l'étoile compagnon qui va être attirée par l'objet compact, qui va tourner autour, qui va être chauffée à température très importante, et qui va émettre ce qu'on appelle des rayonnements énergétiques, qui sont donc les rayons X, principalement. Donc on a des signatures comme ça, de rayons X qui proviennent de ces objets-là, alors que ce sont des étoiles qui paraissent normales, et qui ne devraient pas émettre de rayons X de cette façon. Qui se dénoncent tout à fait par l'observation, c'est-à-dire que dès qu'il y a un objet compact qui se trouve à côté, il se dénonce forcément. D'ailleurs, c'est ce qui fait en gros la différence fondamentale entre une étoile à neutrons et un trou noir. Une étoile à neutrons toute seule, elle va émettre parce qu'elle a un rayonnement qui provient de sa surface matérielle, la naine blanche aussi d'ailleurs. Le trou noir tout seul, s'il est vraiment tout seul, vous n'allez pas le voir. Il va rester dans le noir, vu que s'il n'y a rien qui tombe dessus, on ne le voit pas. Par contre, vous mettez étoile à neutrons ou trou noir à côté d'une étoile, et bien là, chacun de ces deux objets compacts va attirer la matière de l'étoile, et à ce moment-là, va devenir visible.